إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la première partie d'une des grandes batailles à laquelle n'a pas participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à laquelle a participé d'illustres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Cette bataille est la bataille de Mu'tah. La bataille de Mu'tah est un événement marquant qui a révélé la bravoure et les mérites de certains compagnons. Elle fut considérée comme un préliminaire aux futures conquêtes musulmanes en terre chrétienne. Elle eut lieu durant la 8e année de l'Hégire, presque 2 ans et demi avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au mois de Jumad al-Oula, en actuelle Jordanie au sud de Amman. Quelle est la cause de cette bataille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu avec un message destiné au roi de Bousra, qui est une contrée qui se situe au Chem, afin de l'appeler à l'islam. Ce fut Sharahbil ibn Amr al-Ghassani, Sharahbil ibn Amr al-Ghassani, qui l'attrapa, le ligota et lui frappa le cou. En effet, ce dernier fut un agent de Héraclius au Chem, dans la région d'El-Balkar. Ce qui est à noter à cette époque est que l'assassinat d'un messager ou un émissaire porteur d'un message était considéré comme un crime atroce. Il entraînait généralement une déclaration de guerre des victimes. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam apprit ceci, la mort de son compagnon et son assassinat, il s'attrista dans un premier temps, puis se mit en colère. Il prépara une armée composée de 3000 hommes, armée qui n'avait pas connu autant de combattants sauf lors de la bataille des coalisés, 3 ans auparavant, en l'an 5 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna à la tête de cette armée Zayd ibn Haritha, son bien-aimé, et celui qu'il avait adopté. Et s'il venait à mourir, devait prendre le commandement Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, son cousin et son proche. Et si ce dernier venait à mourir, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc désigné 2 muhajirs, 2 immigrés, et 1 ansari, 1 auxiliaire, en la personne de Abdullah ibn Rawaha. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de désigner plusieurs dirigeants à la tête de l'armée, l'un après les autres, avec cette condition que s'il mourait, le suivant devait reprendre le commandement, ceci sous-entendait que les 3 personnes désignées ne reviendraient pas de cette bataille et tomberaient martyrs durant celle-ci. Chose qu'avaient complètement compris et assimilé ces 3 grands compagnons, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit l'étendard blanc à Zayd ibn Haritha. Il ordonna à ce dernier de se rendre à l'endroit où fut tué le compagnon Al-Harith ibn Umayr al-Azdi, radiallahu anhu, et d'inviter les gens là-bas à l'islam. Et s'ils refusent l'islam, alors de les combattre. Ceci étant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons firent leurs adieux aux combattants ainsi qu'à leur chef désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Rawaha, qui est le troisième désigné par le prophète, pleura à ce moment-là et on lui demanda la raison de ses pleurs. Il répondit, « Je jure que ce n'est pas par amour de cette vie-là, ni par désir d'y rester. Mais je pleure pour le fait que j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lire un verset du livre d'Allah dans lequel le feu est évoqué. « Wa im minkum illa waridha » كان على ربك حتما مقضيا. La sourate numéro 19, le verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Puis Abdullah ibn Rawaha de dire, je ne sais pas comment j'en sortirai après y être passé. Sur le départ, les musulmans, ceux qui étaient restés à Médine, dirent à leurs co-religionnaires sur le départ, qu'Allah vous accompagne, vous protège et vous ramène à nous sains et saufs. Sahibakum Allah, wa dafa'a ankum, wa raddakum ilayna salimina salihin. À ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha, qui était un poète, prononça ces quelques vers. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تكذف الزبدا أو طعنة بيدي حغران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مغروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. Ce qui signifie, quant à moi, j'implore du tout miséricordieux un pardon, ainsi qu'une blessure large et ouverte de laquelle coulera le sang à flot, ou un coup mortel d'une lance jetée par un guerrier furieux qui percera les viscères et le foie, de sorte que les gens disent lorsqu'ils passeront devant ma tombe, Allah l'a bien guidé, ce conquérant, il a certes accompli sa tâche. Abdullah ibn Rawaha retarda son départ afin de prier la prière du vendredi avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abdullah ibn Rawaha sut qu'il ne reviendrait pas et qu'il ne reverrait plus jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie d'ici-bas. Il voulut donc profiter de ses derniers moments avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète le vit, seul, alors que ses compagnons étaient déjà partis, il lui demanda, « Qu'est-ce qui t'a empêché de partir avec tes compagnons ?» Abdullah ibn Rawaha lui exprima son souhait d'assister à un dernier de ses prêches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, « Si tu devais dépenser ce qu'il y a sur terre, tu ne pourrais atteindre leur récompense. » C'est-à-dire la récompense des compagnons qui sont sortis dès les premiers instants. À ces mots, Abdullah ibn Rawaha fit ses adieux au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui récita ces quelques vers de poème. فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تَثْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرَ إِنِّي تَفَغْرَسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي ثَابِتُ الْبَصَرَ أنت الرسول فمن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. Qu'Allah raffermisse les bienfaits qu'il t'a conférés, comme ils furent confirmés à Moussa, ainsi qu'une victoire comme il lui fut octroyée. J'ai décelé en toi le bien que j'ai reconnu, et Allah sait que je suis doté d'une vue perspicace et aiguë. Tu es certes l'envoyé, et celui qui de son intercession sera privé, le jour des comptes est un homme par le destin abandonné. Les troupes qui étaient déjà sur le départ furent rejoints par Abdullah ibn Rawaha. Ils se mirent en marche jusqu'à Ma'an, au Shem, en actuelle Jordanie, à des centaines de kilomètres de Médine. Ils apprirent que Héraclius, le chef des Romains, était descendu dans la ville de Ma'rib, dans les terres d'El-Balkar, à la tête de 100 000 combattants. Vinrent se joindre à eux 100 000 autres combattants parmi les tribus arabes de Lahm, Juzam, Bahra, Bulqin. 200 000 combattants contre 3 000 combattants musulmans. Ayant appris ceci, les musulmans passèrent 2 nuits à Ma'an afin de prendre une décision sur les opérations à entreprendre et la marche à suivre. Certains dirent, informons l'envoyé d'Allah du nombre des ennemis. Soit il nous envoie des renforts, ou bien il nous ordonne de continuer et nous nous exécuterons. En entendant ces mots, Abdullah ibn Rawaha dit alors par Allah, ce que vous détestez est la raison pour laquelle vous êtes sorti, le martyr. Nous ne combattons pas nos ennemis par le nombre, ni par la force ou la multitude de combattants, mais nous les combattons par cette religion par laquelle Allah nous a honorés. Partez au combat. Il n'y aura pour vous que l'une des deux récompenses, la victoire ou le martyr. Les gens dirent alors par Allah, Abdullah dit la vérité. Et ceci a eu pour effet de remobiliser les troupes et de les conforter dans la voie pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait envoyés. Les soldats se mirent donc en route vers ce qu'Allah leur avait prescrit. Arrivés aux confins de la région de l'Balkar, les armées de Héraclius, composées des légions romaines et composées, comme nous l'avons dit, d'arabes christianisés et vassaux des Romains, avec à leur tête Malik ibn Zafila. Ils se réunirent dans la région de Masharif, alors que les musulmans étaient à Mouta. Chacun se voyait mutuellement. Les deux armées se firent face et les musulmans se préparèrent pour le combat. Ils placèrent à leur droite un escadron à leur tête Qutba ibn Qatada des Bani Udra. Et ils placèrent à leur gauche un escadron à leur tête Ubadah ibn Malik al-Ansari radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Nous reparlerons d'eux, inshallah tabaraka wa ta'ala, lorsque nous évoquerons les combats un peu plus tard. Puis, les deux factions se rencontrèrent à Mouta, 3 000 combattants contre 200 000. Ce fut Zayd ibn Haritha qui, comme convenu, prit l'étendard et la tête des troupes et des armées. Il combattit héroïquement, à l'instar des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il tomba sous les lances des ennemis après un combat acharné et héroïque. Puis ce fut Ja'far ibn Abi Talib qui prit l'étendard et la tête de l'armée. Lorsque le combat l'entraîna au milieu des ennemis, et lorsque ce combat s'intensifia, il se jeta sur sa jument blanche et coupa ses jarrets afin de ne pas fuir au combat. Les flèches et les coups d'épée commencèrent à couvrir son corps, jusqu'à ce que son bras droit fût coupé. Il prit alors l'étendard de sa main gauche, puis son bras gauche fut tranché, et prit alors l'étendard avec ses aisselles. Et il ne cessait de répéter ces vers suivants. « Ya habbadha al-jannatu waqtirabuha, tayyibatun wa baridun sharabuha, wa rumurumun qaddana azabuha, kafiratun ba'idatun ansabuha, aliyya illa qaytuha dirabuha. » Combien est bon le paradis et son approche, un paradis aux boissons bonnes et fraîches. Les Romains s'approchent du grand châtiment. Ce sont des infidèles dont la généalogie m'est étrange. Il m'incombe de les combattre si je les rencontre. Il ne cessa de combattre jusqu'à ce qu'il fût tué alors qu'il n'avait que 33 ans. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte que Ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit, j'ai vu Ja'far ce jour-là tomber martyr. J'ai remarqué sur son corps 50 blessures, toutes sur sa face avant. C'est-à-dire, toutes les blessures de Ja'far se trouvait sur la face avant, preuve qu'il faisait face au combat et qu'il ne tournait pas le dos. Et dans une autre version, 90 blessures. Comme ceci est rapporté dans le Sahih d'Imam al-Bukhari, sous le numéro 4260. D'ailleurs, Ibn Hajar, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit que le surplus de 40 blessures est dû aux flèches qu'il a reçues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, Allah lui a donné en échange de ses deux bras, deux ailes par lesquelles il vole au paradis où bon lui semble. Comme ceci a été rapporté par l'imam al-Tabarani al-Kabir, par une bonne chaîne de transmission. Dans une autre version, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far est en compagnie de Jibril et Mikaïl au paradis. Il possède à la place de ses deux bras deux ailes. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Ahmed rapportent que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informait en temps réel les compagnons restés à Médine du déroulement des combats. Il était sur le minbar et disait « Ils ont rencontré l'ennemi. Zaïd a pris l'étendard et est tombé martyr. Implorez le pardon d'Allah pour lui. » Puis le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam, suivant les événements qui se déroulaient en temps réel, Ja'far a pris l'étendard. Il fut ferme et est tombé martyr. Implorez le pardon d'Allah pour lui. Et lorsque le prophète annonça la mort de Ja'far, ses yeux coulèrent de larmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut au tour de Abdullah ibn Rawaha de prendre l'étendard. Ce dernier marqua un temps d'hésitation dû au fait qu'il avait assisté au martyr de ce prédécesseur. Il récita ces quelques vers comme pour se motiver à suivre la trace de ses deux prédécesseurs et il interloqua son âme en disant « Aqsamtu ya nafsu la tanzilinna » لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد غرن ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة Je jure, ô mon âme, que tu t'y engageras. Tu t'y engageras ou bien on t'y forcera. Si les gens font du tumulte et font du bruit, pourquoi te vois-je tant détester le paradis? Tu es resté trop longtemps apaisé et en sécurité. N'es-tu pas simplement qu'une goutte de sperme dans une outre usée? Puis il dit, ya nafsu illa tuqtali tamuti. هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعله ما هديت Ô âme, si tu n'es pas tué, tu mourras. Telle est la fatalité de la mort que tu subiras. Ce à quoi tu aspirais te fut enfin donné. Si tu fais ce qu'ils ont fait, tu seras bien guidé. Sur ces mots, prit l'étendard et s'engagea dans le combat. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de cet épisode de la bataille de Mu'tah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته